Ici y'a K.O. et mon crew LSA. J'déchire les sons comme le mur de la Vilka. Si t'es un gars, fais gaffe à ta binga. Si t'es papa, fais gaffe à ta binga. Tous les scars là aiment les filles à papa. Elles apprennent vite à bouger sur son là. À la Rousseau, elles préfèrent LSA. J'fais du bon son, je sais qu'elles aiment ça. Non t'inquiète pas si moi je m'approche de toi. Non t'inquiète pas si moi je me frotte à toi. Non t'inquiète pas, des embrouilles y'en a pas. Du sexe y'a de la strength similia. Du son il y a des embrouilles y'en a pas. Pour Saint-Denis, mon quartier Camélia. J'ai un tu le sais, mes racines sont là-bas. Mon crew, ma gens, ma familia. Ta tête comme un joint de Malza. Ce sont ces misses glissent dans ton ocra. Ce soir mon gars c'est hip-hop en état. J'y vais pas mal et mon faux Beretta. Ramenez ma gueule et ma seule Kyria. Si hier il y a mec ta gueule tu verras. Mais pour l'instant des embrouilles j'en vois pas. Au crew elle est ça, les meufs elles aiment ça. Ma telle est ça, copine elles en a pas. Au crew elle est ça, les mecs ils aiment ça. Sur son sincère ça se fait ça fissa. Donc t'inquiète pas des embrouilles y'en a pas. Si t'es sexy les requins sont par là. T'as le mal de mer reste pas là rentre chez toi. T'aimes pas mon crew va mater t'as ça.